Le soir, pendant la veillée, les chiens ne cessèrent d'aboyer avec fureur. Martine paraissait inquiète. Elle écouta les chiens, puis elle dit en se tournant vers le fermier. « J'ai bien peur que ce temps-là nous amène des loups. » Le fermier se leva pour parler aux chiens, et il s'en alla faire le tour des étables avec sa lanterne. Pendant les 8 jours que dura la neige, il vint des centaines de corbeaux dans la ferme. Ils avaient si faim que rien ne pouvait les effrayer. Ils entraient dans les écuries et dans la grange, et ils dévastaient les meules de blé. Le fermier en tua beaucoup. On en mit cuire quelques-uns avec le lard et les choux. Tout le monde trouva que c'était bon, mais les chiens n'en voulurent jamais manger. Le premier jour où l'on fit sortir les troupeaux, les sapins étaient encore tout chargés de neige. La colline était toute blanche aussi. Elle paraissait s'être beaucoup rapprochée de la ferme. Tout ce blanc m'éblouissait. Je ne trouvais plus les choses à leur place, et à chaque instant, je craignais de ne plus apercevoir la fumée bleue qui montait au-dessus des toits de la ferme. Les moutons ne trouvaient rien à manger. Ils couraient de tous côtés. Je ne les laissais pas s'écarter. Ils ressemblaient eux-mêmes à de la neige qui aurait bougé, et j'étais obligée de faire bien attention pour ne pas les perdre de vue. Je réussis à les rassembler le long d'un pré qui bordait un grand bois. Tout le bois était occupé à se débarrasser de la neige qui l'alourdissait. Les grosses branches la rejetaient d'un seul coup, pendant que d'autres, plus faibles, se balançaient pour la glisser à terre. Je n'étais jamais entrée dans ce bois. Je savais seulement qu'il était très étendu et que Martine y menait parfois ses brebis. Les sapins y étaient très grands et les bruyères très hautes. Depuis un moment, je regardais une grosse touffe de bruyère. Il m'avait semblé l'avoir remuée, en même temps qu'il en sortait un bruit, comme si on avait cassé une brindille en marchant dessus. J'eus tout de suite une inquiétude. Je pensais, « Il y a quelqu'un là !» Puis le même bruit se répéta beaucoup plus près, sans que rien ne bougeât. J'essayais de me rassurer en me disant que c'était un lièvre ou une autre petite bête qui cherchait sa nourriture. Mais malgré toutes les bonnes raisons que je me donnais, je restais persuadée qu'il y avait quelqu'un là. Je ressentais une gêne si grande que je me décidai à me rapprocher de la ferme. Je fis 2 pas vers mes moutons, mais au même moment ils se resserrèrent précipitamment en s'éloignant du bois. Je cherchai vivement à voir ce qui avait pu les effrayer aussi, et à 2 pas de moi, au beau milieu du troupeau, je vis un chien jaune qui emportait un mouton dans sa gueule. Je pensais tout d'abord que Castille était devenu enragé, mais dans le même instant, Castille se jeta dans mes jupes en poussant des hurlements plaintifs. Aussitôt, je devinai que c'était un loup. Il emportait le mouton à pleine gueule par le milieu du corps. Il grimpa sans effort sur le talus, et quand il sauta le large fossé qui le séparait du bois, ses pattes de derrière me firent penser à des ailes. À ce moment, je n'aurais pas trouvé extraordinaire qu'il se fût envolé par-dessus les arbres. Je restai quelques instants sans savoir si j'avais eu peur. Puis je sentis que je ne pouvais plus détourner mes yeux du fossé. Mes paupières étaient devenues si raides qu'il me sembla que je ne pourrais jamais plus les fermer. Je voulus crier pour qu'on m'entendît de la ferme, mais ma voix ne voulut pas sortir. Je voulus courir aussi, mais mes jambes tremblaient si fort que je fus forcée de m'asseoir sur la terre mouillée. Castille continuait de hurler, comme si elle recevait des coups, et les moutons restaient serrés en un tas. Quand je pus les ramener à la ferme, je courus chercher Maître Sylvain. En me voyant, il devina tout de suite ce qui était arrivé. Il appela son frère, et il décrocha les 2 fusils, pendant que je tâchais de désigner l'endroit où le loup avait disparu. Ils revinrent à la nuit sans l'avoir retrouvé. On ne parla que de cela pendant la veillée. Eugène voulait savoir comment était le loup, et la vieille Bibiche se fâcha quand je dis qu'il avait de longs poils jaunes comme Castille, mais qu'il était bien plus beau qu'elle. Le lendemain, ce fut le tour de Martine. Elle venait de faire sortir ses brebis, et elle n'était pas encore au bout de l'allée des châtaigniers, quand on l'entendit pousser des cris étouffés. Tout le monde sortit de la maison en courant. J'arrivai la première près de Martine. Elle était baissée, et elle tirait de toutes ses forces sur une brebis qu'un loup venait d'étrangler et qu'il cherchait à emporter. Il tenait la brebis par le cou. Il tirait de son côté aussi fort que la bergère. Le chien de Martine la mordait férocement aux cuisses, mais il n'avait pas l'air de le sentir. Et quand maître Sylvain lui tira un coup de fusil à bout portant, il roula en emportant dans sa gueule une partie du cou de la brebis. Les yeux de Martine s'étaient agrandis et sa bouche était devenue toute blanche. Son bonnet avait glissé de son chignon et la raie qui séparait ses cheveux me fit penser à un sentier où l'on pouvait se promener sans danger. L'expression ferme de son visage s'était changée en une petite grimace douloureuse et ses mains s'ouvraient et se fermaient d'un mouvement régulier. Elle cessa de s'appuyer au châtaignier pour se rapprocher d'Eugène, qui regardait le loup. Elle resta un moment à le regarder aussi, et elle dit tout haut. « Pauvre bête, comme il devait avoir faim !» Le fermier mit le loup et la brebis sur la même brouette pour les ramener à la ferme. Les chiens suivaient en flairant d'un air craintif. Pendant plusieurs jours, le fermier et son frère chassèrent dans les environs. Quand Eugène passait près de moi, il s'arrêtait toujours pour me dire un mot affectueux. Il m'affirmait que les coups de fusil éloignaient les loups et qu'on en voyait rarement dans le pays. Malgré ça, je n'osais plus retourner vers le grand bois. Je préférais aller sur la colline qui était seulement recouverte de genêts et de bruyères. Au commencement du printemps, la fermière m'apprit à traire les vaches et à soigner les porcs. Elle disait qu'elle voulait faire de moi une bonne fermière. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la supérieure quand elle m'avait dit d'un ton méprisant « Vous trairez les vaches et vous soignerez les porcs ». Elle avait l'air de m'infliger une punition en disant cela. Et voilà que je n'éprouvais que du contentement à m'occuper des bêtes. Pour me donner de la force, j'appuyais mon front contre le flanc de la vache et bientôt mon seau s'emplissait. Il se formait au-dessus du lait une écume qui prenait des teintes changeantes et quand le soleil passait dessus, elle devenait si merveilleuse que je ne me lassais pas de la regarder. Je n'éprouvais aucun dégoût à soigner les porcs. Leur nourriture se composait de pommes de terre cuites et de lait caillé. Je plongeais mes mains dans le seau pour bien mélanger le tout, et j'avais un grand plaisir à leur faire entendre un instant leur nourriture. Leurs cris discordants et les mouvements si vifs de leurs groins m'amusaient toujours. Au mois de mai, maître Sylvain ajouta une chèvre à mon troupeau. Il l'avait achetée pour aider la fermière à nourrir le petit enfant qu'elle venait d'avoir, après 10 ans de mariage. Cette chèvre était plus difficile à garder que le troupeau tout entier. Elle fut cause que mes moutons entrèrent dans l'avoine, qui était déjà haute. Le fermier s'en aperçut et il me gronda. Il m'accusait de m'endormir dans quelque coin pendant que le troupeau dévastait son champ. J'étais forcée de passer chaque jour près d'un bois de jeunes sapins. En 3 bonds, la chèvre l'atteignait, et c'était pendant que je la cherchais que mes agneaux mangeaient l'avoine. La première fois, j'attendis longtemps qu'elle revînt d'elle-même. Je faisais ma voix plus douce pour l'appeler. Enfin, je me décidai à l'aller chercher. Mais la sapinière était si serrée que je ne savais pas comment faire pour y entrer. Pourtant, je ne pouvais pas m'en aller sans savoir ce que la chèvre était devenue. Je crus reconnaître l'endroit où elle avait disparu, et j'y entrai en mettant mes mains devant ma figure pour éviter les piquants. Je la vis presque tout de suite à travers mes doigts. Elle était tout près. J'avançai la main pour la saisir par une corne, mais elle recula en déplaçant les branches, qui vinrent me frapper avec force. Je réussis cependant à la saisir et je la ramenai au troupeau. Chaque jour elle recommençait. Je poussai mes moutons le plus loin possible de l'avoine, et je me lançai à sa poursuite. C'était une chèvre toute blanche, et j'avais tout de suite trouvé qu'elle ressemblait à Madeleine. Elle avait, comme elle, les yeux très éloignés l'un de l'autre. Lorsque je la forçais à sortir des sapins, elle me regardait longtemps sans bouger les yeux. Dès ces moments-là, je pensais que Madeleine s'était transformée en chèvre. Il m'arrivait de la supplier de ne pas recommencer, et j'étais sûr qu'elle me comprenait quand je lui faisais des reproches. Comme je sortais un jour de la sapinière avec mes cheveux tout défaits, je fis un mouvement de la tête qui les ramena en avant. Aussitôt, la chèvre fit un bond de côté en poussant un bêlement de peur. Elle revint sur moi, les cornes basses, mais je baissai aussi la tête en secouant mes cheveux qui traînaient jusqu'à terre. Alors elle se sauva en faisant des cabrioles impossibles à décrire. Chaque fois qu'elle entrait dans la sapinière, je me vengeais en lui faisant peur avec mes cheveux. Maître Sylvain me surprit un matin où je me lançai sur elle. Il fut pris d'un fou rire qui me remplit de confusion. Je m'arrêtai aussitôt en tâchant de relever mes cheveux sur ma tête. La chèvre était revenue près de moi. Elle me regardait en allongeant le cou et en tordant ses reins d'une façon comique, prête à repartir au moindre geste. Le fermier n'en finissait plus de rire. Il se tenait cassé en deux et il riait à grands éclats. On ne voyait de lui que sa blouse, sa barbe et son grand chapeau. Ces éclats de rire me donnaient envie de pleurer. Il me semblait qu'il resterait toujours ainsi, tordu et bruyant. Quand enfin il fut calmé, il m'interrogea doucement. Je lui racontai les malices de la chèvre. Alors il la menaça du doigt en riant de nouveau. Ce fut Martine qui l'emmena le lendemain. Mais le deuxième jour, elle déclara qu'elle aimait mieux quitter la ferme que de continuer à garder cette chèvre qui était possédée du diable. La vieille Bibiche disait que les chèvres avaient besoin d'être battues. Je me souvenais du seul coup de bâton que je lui avais donné. Ses côtes avaient rendu un son si étrange que je n'avais jamais osé recommencer. On la laissa en liberté autour de la ferme, et elle disparut un jour sans qu'on pût jamais savoir ce qu'elle était devenue. La Saint-Jean approchait, et pour fêter l'anniversaire de mon arrivée à la ferme, Eugène dit qu'il fallait m'emmener au village. Pour ce jour de fête, la fermière me fit cadeau d'une robe jaune qu'elle avait portée quand elle était jeune fille. Le village s'appelait Sainte-Montagne. Il n'était qu'une rue au bout de laquelle se trouvait l'église. Martine m'entraîna vite à la messe déjà commencée. Elle me poussa sur un banc et elle-même alla s'asseoir sur celui qui était devant moi. L'impression grave que j'avais eue en entrant dans l'église s'effaça presque aussitôt. Deux femmes derrière moi ne cessèrent de parler du marché de la veille, et des hommes qui se trouvaient près de la porte ne se gênaient pas pour parler tout haut. Il n'y eut de silence que lorsque le curé monta en chaire. Je crus qu'il allait prêcher, mais il annonça seulement les mariages. À chaque nom qu'il prononçait, les femmes se penchaient à droite ou à gauche avec des sourires. L'idée de la prière ne me vint même pas. Je regardais Martine prier à genoux. Ses mèches brunes et bouclées sortaient de dessous son bonnet brodé. Elle avait les épaules larges et son corsage blanc était serré à la taille par un ruban noir. Toute sa personne faisait penser à une chose fraîche et neuve. Pourtant, la supérieure m'avait dit que les bergères étaient des filles malpropres. Je revoyais Martine au milieu de ses brebis avec sa jupe courte à rayures, ses bas bien tirés, ses sabots recouverts de cuir, qu'elle cirait comme des souliers. Cependant, elle prenait grand soin de son troupeau, et la fermière affirmait qu'elle connaissait chacune de ses brebis. À la sortie de la messe, elle me quitta pour courir vers une vieille femme qu'elle embrassa tendrement. Puis je la perdus de vue et je restai toute seule, ne sachant où aller. Pas très loin, je voyais l'auberge du Cheval Blanc. Il en sortait un grand bruit de voix et de vaisselle. Les gens y entraient par groupes, et il n'y eut bientôt plus personne sur la place. J'allais rentrer dans l'église en attendant que Martine vienne me chercher, lorsque je vis accourir Eugène. Il me prit par la main et dit tout en riant « Si ta robe n'avait pas été aussi jaune, je t'aurais sûrement oublié. » Il me regardait d'un air moqueur et amusé. Il me conduisit chez le maître d'école en le priant de me faire déjeuner et de me mener promener avec ses enfants. Le maître d'école était habillé comme les messieurs de la ville, tandis qu'Eugène avait une blouse bleue, et je fus bien étonné de les entendre se tutoyer. En attendant le déjeuner, le maître d'école me prêta un livre de contes de fées, et lorsque l'heure de la promenade arriva, j'aurais préféré qu'on me laissât seul finir le livre. Sur la place du village, les garçons et les filles dansaient dans le soleil et la poussière. Je trouvais leur balancement exagéré et leur gaieté trop bruyante. Je sentais en moi comme une grande tristesse. Et, quand à la nuit tombante, la voiture nous ramena à la ferme, j'éprouvais un vrai soulagement à me retrouver dans le silence et l'odeur des prés.